Luc chapitre 17. Or il dit à ses disciples, il ne se peut faire qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il lui vaudrait mieux qu'on lui mît une pierre de meule autour de son cou, et qu'il fût jeté dans la mer, que de scandaliser un seul de ses petits. Soyez attentifs sur vous-même. Si donc ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et si cette fois le jour il a péché contre toi, et que cette fois le jour il retourne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Alors les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi aussi gros, qu'un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier, déracine-toi, et te plante dans la mer, et il vous obéirait. Mais qui est celui d'entre vous, qui ayant un serviteur laborant, ou paissant le bétail, et qui le voyant retourner des champs, lui dise incontinent, avance-toi, et mets-toi à table. Et qui plutôt ne lui dise, apprête-moi à souper, sains-toi, et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras. Mais est-il pour cela obligé à ce serviteur de ce qu'il a fait ce qu'il lui avait commandé? Je ne le pense pas. Vous aussi de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, parce que ce que nous avons fait, nous étions obligés de le faire. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie, et de la Galilée. Et comme il entrait dans une bourgade, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et ils s'arrêtèrent de loin. Et élevant leur voix, ils lui dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et quand il les eut vus, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant ils furent rendus nets. Et l'un d'eux voyant qu'il était guéri, s'en retourna, glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta en terre sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Or c'était un Samaritain. Alors Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été rendus nets? Et les 9, où sont-ils? Il n'y a eu que cet étranger qui soit retourné pour rendre gloire à Dieu. Alors il lui dit, lève-toi, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le règne de Dieu, il répondit, et leur dit, le règne de Dieu ne viendra point avec apparence. Et on ne dira point, voici, il est ici, ou, voilà, il est là. Car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Il dit aussi à ses disciples, les jours viendront que vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, voici, il est ici, ou, voilà, il est là. Mais n'y allez point, et ne les suivez point. Car comme l'éclair brille de l'un des côtés de dessous le ciel, et reluise jusqu'à l'autre qui est sous le ciel, tel sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette nation. Et comme il arriva au jour de Noé, il arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait, on prenait et on donnait des femmes en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche, et le déluge vint qui les fit tous périr. Il arriva aussi la même chose au jour de l'eau, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais au jour que l'eau sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme sera manifesté. En ce jour-là, que celui qui sera sur la maison, et qui aura son ménage dans la maison, ne descende point pour l'emporter, et que celui qui sera au champ, ne retourne point non plus à ce qui est demeuré en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra, et quiconque la perdra, la vivifiera. Je vous dis, quand cette nuit là deux seront dans un même lit, l'un sera pris, et l'autre laissé. Il y aura deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, et l'autre laissée. Deux seront au champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. Et répondant, lui dire, où sera-ce, Seigneur? Et il leur dit, en quelque lieu que sera le corps mort, là aussi s'assembleront les aigles.